Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Bonne émission, Adèle. Merci, Gabriel. Et maintenant, refermez vos livres. L'émission va commencer. Nul de nous n'est assez philosophe pour savoir se mettre à la place d'un enfant, écrit le philosophe Jean-Jacques Rousseau dans son livre Émile ou de l'éducation, publié en 1762. Mais pourquoi faudrait-il être philosophe pour se mettre à la place d'un enfant? Et si Rousseau a raison, qui sont tous ces personnages enfantins qui peuplent nos lectures d'enfance? Les malheurs de Sophie, le petit Nicolas, Charlie et la chocolaterie et le narrateur de la gloire de mon père, sont-ils les enfants que nous étions? Ou le fantasme d'adultes nostalgiques qui recréaient l'enfance à leur image? Asa, on voit la lumière sous la couette là. Éteins s'il te plaît. Attends, je finis la page. La bonne coupa les cordons, enleva les papiers et Sophie put prendre la plus jolie poupée qu'elle eût jamais vue. Les joues étaient roses avec de petites fossettes, les yeux bleus et brillants, le cou, la poitrine, les bras en cire. À ma petite fille, Elisabeth Fresneau. Cher enfant, tu me dis souvent « Oh grand-mère, que je vous aime, vous êtes si bonne !» Grand-mère n'a pas toujours été bonne. Il y a bien des enfants qui ont été méchants comme elle et qui se sont corrigés comme elle. Voici des histoires vraies d'une petite fille que grand-mère a beaucoup connue dans son enfance. Elle était colère, elle est devenue douce. Elle était gourmande, elle est devenue sobre. Elle était menteuse, elle est devenue sincère. Elle était voleuse, elle est devenue honnête. Enfin, elle était méchante et elle est devenue bonne. Grand-mère a tâché de faire de même. Faites comme elle, mes chers petits-enfants. Cela vous sera facile à vous qui n'avez pas tous les défauts de Sophie. Signée Comtesse de Ségur, née Rostopchine. Bonjour Marie-Joséphine Stritch. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Bienvenue, merci. C'est oui. Un plaisir de vous accueillir à ce micro. Vous êtes docteur ès lettres, vous êtes professeur de lettres, juré du prix des romancières et vous avez écrit plusieurs ouvrages sur la comtesse de Ségur. Je crois que vous l'aimez passionnément. Oui, c'est vrai, ça remonte à ma plus tendre enfance et c'est la comtesse de Ségur, née Rostopchine, qui m'a révélé la joie de la littérature et les chemins de l'écriture. Enfin, c'est vrai, une grande rencontre très jeune, à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans. Oui. Et elle ne vous a pas quitté depuis. Non. Alors pendant des années, je suis passée un peu pour une attardée. Hein. Comment encore la comtesse de Ségur, c'est ridicule. Et j'ai tenu bon. J'ai donc poursuivi des études de lettres classiques. Et au moment où je pouvais enfin choisir un sujet où je serais libre, eh bien, je suis revenue à la comtesse de Ségur. C'est ainsi que j'ai consacré ma maîtrise et puis mon doctorat. C'est ça. Et vous en parlez encore aujourd'hui pour notre plus grand bonheur. Alors quand la comtesse de Ségur dit dans la dédicace au malheur de Sophie que je viens de lire, que la petite fille dont il est question, cette Sophie, eh bien la grand-mère l'a beaucoup connue, est-ce une manière de dire qu'elle parle d'elle-même ? Bien sûr. Et à cet égard, il est important de souligner que le manuscrit des malheurs de Sophie, eh bien, comporte dans les premières pages le prénom de la petite fille et... Dans le premier jet, la petite fille ne se prénomme pas Sophie, mais Marie. Et toujours la belle écriture très ample et régulière de la comtesse de Ségur arrive à quelques pages à la fin des premiers chapitres. Et soudain, une grande rature, Marie disparaît et dessus est inscrit Sophie. Et on sent que dans un premier jet, la comtesse de Ségur a voulu peut-être apparaître sous un autre prénom, mais n'y tenant plus, eh bien... est revenue à la vérité, à la sincérité, et elle se nomme bien Sophie, cette petite fille qu'elle a bien connue. Mais est-ce que c'est important de savoir que c'est la comtesse de Ségur qui se met en scène ? Eh bien oui, parce que c'est une démarche quand même introspective, rare. Et vous voyez, dans ses débuts, dans ses premières lignes, elle se dit « Non, je ne peux quand même pas m'imposer tout de suite, je vais l'appeler Marie ». et elle n'y tient plus. C'est intéressant. Le manuscrit des malheurs de Sophie est tout à fait passionnant à lire, à compulser, à regarder. Et je pense qu'un graphologue serait très heureux d'admirer, d'analyser et de commenter cette belle écriture très régulière, très fine et régulière, quasiment sans rature. On va apprendre aujourd'hui, découvrir comment celle que l'on appelle la comtesse de Ségur s'est mise à écrire, parce que c'est une histoire passionnante, les rapports entre sa vie et son texte, et puis surtout on va beaucoup lire ce matin Les Malheurs de Sophie, ainsi que pourquoi pas la suite, hein, Les Filles Modèles, Les Vacances, et puis voyager dans son œuvre. Mais avant cela quand même une question, et c'est la question qui va nous occuper toute cette semaine sur les chemins de la philosophie. Est-ce que vous pensez que ce livre, prenons Les Malheurs de Sophie par exemple, soit un livre qui s'adresse aux enfants? Et surtout, pensez-vous que cette Sophie soit une enfant, alors certes inspirée de l'enfance de la comtesse de Ségur, mais une enfance idéalisée, modèle, ou au contraire, quelqu'un qui essaie d'être au plus près de l'enfant qu'elle était? Eh bien écoutez, je crois que Sophie de Ségur, en décrivant la petite fille qu'elle a été, est au plus près de ce qu'elle a connu, de la vérité. Et il me semble que la petite Sophie, que tout le monde connaît, Les Malheurs de Sophie appartiennent au patrimoine culturel de tous les Français. Quand on dit Les Malheurs de Sophie, immédiatement, il y a une réaction. Mmh. Eh bien, je pense que la petite Sophie qui est présentée dans ces chapitres, c'est une enfant permanente, éternelle. Une meneuse, une enfant parfaite, parfaite dans son portrait, un petit peu comme Alice pour la Grande-Bretagne. C'est un portrait réel et définitif de l'enfance, à mes yeux. À vos yeux, et oui. Y compris pour donc les yeux de l'adulte que vous êtes devenu, parce que c'est pas oui. Pareil, hein, un livre qui est lu par un enfant. Est-ce que pour vous, ça a un sens de parler de littérature jeunesse, par exemple? Alors moi, je préfère parler de littérature d'enfance. Quelle différence? Littérature d'enfance et non pas littérature enfantine, l'adjectif enfantin ayant un côté de puérilité désagréable. Littérature d'enfance, l'enfance, c'est un état psychologique pur dont je mettrai le terme à l'âge de 10 ans. D'ailleurs, dans les épilogues des romans de la comtesse de Ségur, nos petits héros atteignent 10 ans et puis après on n'en parle plus, comme elle le dit elle-même. Ce sont de véritables enfants, disais-je, et mon Dieu, j'ai perdu le fil de votre question. Eh bien, on va laisser la parole à Arlette de Pitray. Qui est Arlette de Pitray? Arlette de Pitray, une arrière petite fille qui vient son ancêtre était Olga de Pitray, née en 1835, dernier enfant de la comtesse de Ségur. À 4 ans, Sophie, instruite par ses nombreux professeurs, parle couramment le français, l'italien, l'anglais, mais dort sur une couche si étroite et si dure qu'invariablement, chaque nuit, elle se retrouve par terre. À 7 ans, elle joue par cœur des sonates de Steibelt, mais fait ses robes elle-même. Toujours du même modèle, du reste, cette robe de percale blanche que nous retrouvons dans Les Malheurs de Sophie. Et cette robe était presque symbolique, voyez-vous, car lorsqu'elle était prématurément salie, eh bien, Sophie était punie. La comtesse Rostopchine ne se borne pas à cela. Elle repousse les élans de tendresse. Elle dénoue les bras de Sophie qui s'accroche à son cou. « Allons, pas de sensiblerie, dit-elle. » Les enfants ne mangent pas à leur faim et ne boivent pas à leur soif. Aussi, Nathalie et Sophie trouvent-elles le moyen pour ne pas trop souffrir, eh bien de boire l'eau des écuelles destinées aux chiens. Marie-Joséphine Strie, je vous propose qu'on se serve de cet extrait pour énoncer tout de suite un des reproches, parce que c'en est un qui a été le plus explicite qui a été fait à la comtesse de Ségur, à savoir qu'elle avait inventé une petite fille et surtout qu'elle avait été l'auteur d'un texte qui était, à proprement parler, sadique, qui était le lieu de beaucoup de souffrances, de beaucoup de douleurs. On va entendre d'autres voix hein, ce matin qui abondent dans ce sens. Le récit qu'Arlette de Pitray fait de l'enfance de cette petite Sophie semble donner raison à cette hypothèse de l'écriture. Semble donner raison. Semble seulement. Et évidemment, la mère de Sophie, la comtesse Catherine Rostopchine, était une femme d'une grande spiritualité, d'une grande intelligence. Je ne dirais pas une intellectuelle, mais une très grande intelligence. Et elle avait une vision janséniste de la vie. Mmh. Alors, quand on dit que les enfants ne mangeaient pas à leur faim, ce n'est pas tout à fait exact. Hein. Sophie a un tempérament gourmand, alors bien sûr les aventures liées à la nourriture sont nombreuses. Mais je dirais que la comtesse Catherine Rostopchine a essayé de leur inculquer des principes de vie jansénistes. Alors évidemment ça peut être cruel, dur, mais de là à être sadique, je ne crois pas. Parce que le sadisme procède d'une démarche volontaire, du désir absolument de faire souffrir l'autre, alors que les buts et les objectifs de Catherine Rostopchine, la mère, n'étaient pas de faire souffrir gratuitement les enfants. C'est important de le dire. Mais je sais que, bien sûr, le marquis de Sade, la comtesse de Ségur, il est tentant d'en faire un couple infernal. Je n'irai pas dans cette voie-là. Et pourtant, vous êtes d'accord pour dire que dans Les Malheurs de Sophie, il y a beaucoup de récits, de sévices subis, de sévices infligés. Oui, c'est vrai. Oui, mais ce n'est pas sadique dans la mesure où il n'y a pas une recherche absolument. C'est pas le mal pour le mal. Non, c'est pas le mal pour le mal. Et je dirais que la comtesse de Ségur parle de la vie même. La dureté de la vie est là, les caractères parfois difficiles des adultes envers les enfants, bien sûr, est là également, et elle s'inspire de ce qu'elle a connu. Elle a vécu en Russie, elle est née en Russie, je le rappelle, le 19 juillet 1799, la même année que Balzac, donc elle est encore du XVIIIe siècle. Et elle va être élevée dans un domaine immense, le domaine de Voronovo, 45 000 hectares, c'est-à-dire l'étendue d'un canton. Et sur ces 45 000 hectares, son père, le comte Fiodor Rostopchine, avait droit de vie et de mort sur toutes les personnes qui travaillaient pour lui. Donc elle est élevée dans une atmosphère de grande rigueur morale et de dureté de vie quotidienne. C'est certain. Alors bien sûr, avec maintenant notre regard de 2020, tout cela nous semble bien lointain et cruel. Mais de nos jours, il existe des cruautés peut-être plus médiatiques et aussi épouvantables, mais dont on ne parle pas. Ah oui, ben ça justifie pas forcément les précédentes, d'ailleurs. Non, bien sûr, bien sûr. Mais de là à dire qu'elle est sadique, j'ai du mal à le dire. Asa, est-ce que t'as terminé tes devoirs, s'il te plaît ? Attends, je finis la page. Sophie avait été emportée par Madame de Fleurville et Elisa chez Camille et Madeleine qui l'accompagnaient. On l'avait également déshabillée, essuyée, frictionnée, et on lui passait une chemise de Camille quand la porte s'ouvrit violemment et Madame Ficchini entra. Sophie devint rouge comme une cerise. L'apparition furieuse et inattendue de Madame Ficchini avait stupéfié tout le monde. « Qu'est-ce que j'apprends, mademoiselle ? Vous avez sali, perdu votre jolie robe en vous laissant sottement tomber dans la mare ? Attendez, j'apporte de quoi vous rendre plus soigneuse à l'avenir. » Et avant que personne n'ait eu le temps de s'y opposer, elle tira de dessous son châle une forte verge, s'élança sur Sophie et la fouetta à coups redoublés malgré les cris de la pauvre petite, les pleurs et les supplications de Camille et de Madeleine et les remontrances de Madame de Fleurville et d'Elisa, indignées de tant de sévérité. Elle ne cessa de frapper que lorsque la verge se brisa entre ses mains. Alors, elle en jeta les morceaux et sortit de la chambre. Madame de Fleurville la suivit pour lui exprimer son mécontentement d'une punition aussi injuste que barbare. « Croyez, chère dame, répondit Madame Ficchini, que c'est le seul moyen d'élever des enfants. Le fouet est le meilleur des maîtres. Pour moi, je n'en connais pas d'autre. » Non seulement Madame Ficchini bat Sophie à l'aide de la verge, mais elle n'arrête, elle ne cesse de frapper que lorsque la verge se brise entre ses mains. Qui est cette Madame Ficchini qui bat Sophie de la sorte ? C'est terrible, scène horrible. Ouais. Il est vrai, douloureuse à écouter et à lire quand on est enfant. Alors cette Madame Ficchini ou Madame Ficchini, elle est la marâtre de Sophie. C'est-à-dire que, juste je resitue, Sophie de Réan, l'héroïne des Malheurs de Sophie, est partie en Amérique avec ses parents. Un malheureux naufrage voit la mort de sa mère et son père arrive en Amérique. Et là, par un jeu de circonstances extraordinaires, il va épouser Madame Ficchini. Et Madame Fichini, ou Madame Fichini, selon les prononciations, ouais. Eh bien, va devenir la marâtre, la belle-mère de Sophie. Et il est intéressant de noter que les mauvais traitements, la brutalité, les coups sont toujours l'apanage des parents dépassés, des mauvais parents. Madame de Fleurville, Madame de Rosbourg, au nom si délicieusement fleuri, hein, eh bien, elles ont une autorité naturelle. Une auctoritas, je dirais, et non pas une potestas, une autorité qui est donnée par un rôle. Mm. Pas du tout. Elles sont naturellement autoritaires et n'ont pas besoin de frapper. C'est très important de le souligner et je vous remercie d'avoir pris ce passage qui est vraiment révélateur. La comtesse de Ségur met tous ces gestes affreux, épouvantables, contre nature, dans la psychologie et dans les gestes des parents, des mauvais parents. Oui. Très important. C'est souvent comme ça que ça se passe et que la narratrice procède dans Les Malheurs de Sophie et dans Les Petites Filles Modèles, hein, qui sont la suite. Puis ensuite, il y a les vacances, on peut le lire comme un triptyque. Ce sont de courts épisodes dans lesquels Sophie va avoir envie de faire quelque chose qui va se transformer en une bêtise, que ce soit vouloir s'épiler les sourcils et finalement, oui, il ne reste qu'un poil, aller goûter des fruits confits, on verra ça tout à l'heure, et finalement manger toute la boîte. Ou là, dans ce qu'on vient d'entendre, vouloir sauver un petit bébé hérisson qui se noyait et finalement, c'est elle qui tombe dans la mare et c'est elle qui se fait disputer. C'est le même procédé, c'est Sophie qui va découvrir quelque chose, qui va vouloir faire, entreprendre quelque chose et qui ensuite va se faire gronder pour l'avoir fait. Oui, c'est tout à fait cela. Et dans Les Malheurs de Sophie, ce qui est étonnant, j'avais rencontré plusieurs fois Jacques Laurent, qui lui aimait passionnément la comtesse de Ségur. Eh bien, Jacques Laurent me disait que... Jacques Laurent, Cécile Saint-Laurent, oui, le père de la fameuse Caroline Chéry. Hein, il a écrit de nombreux ouvrages sous divers pseudonymes. Et nous nous rencontrions au Lutétien, nous parlions de la comtesse de Ségur. Et il me disait quasiment à chaque fois, n'oubliez pas que Les Malheurs de Sophie sont écrits à la manière du grand siècle. Et chaque chapitre est consacré à un défaut, à un travers, ouais, de caractère, comme les caractères de La Bruyère. Elle a un ton grand siècle. Donc je tiens à rendre hommage à cette analyse de Jacques Laurent, qui aimait passionnément la comtesse de Ségur et qui s'amusait beaucoup. Mais dans quelle mesure est-ce que ce texte est une entreprise d'éducation? Dès la dédicace que j'ai lue en début d'émission, elle dit bien « cette petite fille était méchante, mais elle est devenue bonne, vous aussi, mes chers petits-enfants, devenez bons ». C'est ça le but, c'est d'éduquer l'enfant qui vit. C'est cela, parce qu'il n'y a pas, pour la comtesse de Ségur, d'enfant idéalement bon, naturellement bon, il n'y a que des enfants luttant pour devenir meilleurs. Ouais. Lutter pour devenir meilleurs. C'est ça, l'éducation. Et elle avait de grands principes de pédagogie, d'éducation. Elle aurait souhaité écrire des livres d'enseignement pour les petits-enfants, aussi bien en grammaire qu'en arithmétique. Malheureusement, elle n'en a pas eu le temps, mais elle s'intéressait infiniment à la pédagogie. Elle était très tendre et douce. Comment la comtesse de Ségur est-elle devenue écrivaine? L'histoire est passionnante puisqu'elle engage un certain Louis Hachette qui décide un jour de proposer des livres qu'on pourrait vendre en gare de manière à ce que les voyageurs puissent lire durant leur trajet. Et il va contacter une certaine comtesse de Ségur parce qu'il vient de créer ce qu'on appelle la Bibliothèque Rose et celle-ci va accepter d'écrire pour lui. C'est ça le début de la comtesse? C'est tout à fait romanesque. Hein. C'est incroyable. La comtesse de Ségur a une vie romanesque. Vous avez très bien résumé. Louis Hachette assiste au développement des chemins de fer. Les voyageurs dans les voyages qui durent bien longtemps ont peur, s'ennuient, il faut les faire lire. Il va donc créer la bibliothèque des chemins de fer et il va choisir une couleur pour chaque public. Et le rose sera dévolu aux enfants sans nuance d'âge. Hein. Mmh. L'orange, le bleu, etc. Et si de nos jours vous avez encore des relais H dans les gares, H comme Hachette, comme Hachette, anglicisé bien sûr en relais, eh bien c'est un privilège qui date de cette époque. Seul Hachette peut vendre des livres dans une gare. Et comme le mari de la comtesse de Ségur, Eugène de Ségur, était président des chemins de fer de l'Est, je pense que par ce biais, Louis Hachette est entré en contact avec... Oui, c'est la question, comment a-t-il contacté, enfin, pourquoi a-t-il pensé à la comtesse de Ségur à ce moment-là? En fait, par son mari, oui. Eugène de Ségur, le bel Eugène de Ségur, qui donc les a mis en contact et puis qui a quand même eu un rôle. Il est souvent de bon ton de taper sur Eugène de Ségur en disant « oui, oh, il était infidèle, etc. » Peut-être, ça ne nous regarde pas réellement, mais je salue la la grandeur d'âme d'Eugène de Ségur, pour le remettre un petit peu à l'honneur, il a signé un billet à Hachette en disant qu'il autorisait sa femme à toucher l'argent. Donc ça paraît tout à fait normal et évident. Mais quand on crie haro sur le baudet, moi j'exhibe ce petit message. J'ai dit quand même il a été bien. Et la comtesse de Ségur a fourni à Hachette avec de très nombreux manuscrits. Oui, et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'était pas la seule à écrire pour Louis Hachette. Il y a eu d'autres d'ailleurs, des écrivaines, des femmes qui ont beaucoup écrit. C'est celle qui est restée le plus dans la postérité. Oui, c'est donc la preuve que les écrits de la comtesse de Ségur peuvent être relus à l'âge adulte. Et en particulier les Malheurs de Sophie, on n'a aucun effort à faire, on n'a pas de mièvrerie quand on relit ces chapitres à l'âge adulte. La question se pose de savoir ce qui fait qu'un enfant va vouloir lire, relire les Malheurs de Sophie, quand bien même on a insisté dessus, c'est le lieu de beaucoup de cruauté, que la petite Sophie souffre souvent des mauvais traitements que lui impose sa belle-mère. Qu'est-ce qui fait que le lecteur y revient, et y compris adulte, puisque c'est votre cas, oui. Marie-Joséphine Stry, je vous propose qu'on écoute un très court texte de Rousseau, je le citais en début d'émission, dans Émile ou de l'éducation, qui raconte comment finalement la pitié que l'on peut ressentir pour quelqu'un qui souffre est un très bon vecteur d'éducation. Et ensuite, un autre extrait des Malheurs de Sophie, il s'agit de l'expérience de l'humiliation liée à la scène de la pluie qui va venir onduler ses cheveux. Écoutez le texte et puis l'extrait. Nous nous attachons à nos semblables moins par le sentiment de leur plaisir que par celui de leur peine, car nous y voyons bien mieux l'identité de notre nature et les garants de leur attachement pour nous. Si nos besoins communs nous unissent par intérêt, nos misères communes nous unissent par affection. Qui est-ce qui ne plaint pas un malheureux qu'il voit souffrir? Qui est-ce qui ne voudrait pas le délivrer de ses maux s'il n'en goûtait qu'un souhait pour cela? L'imagination nous met à la place du misérable plutôt qu'à celle de l'homme heureux. On sent que l'un de ces états nous touche de plus près que l'autre. La pitié est douce parce qu'en se mettant à la place de celui qui souffre, on sent pourtant le plaisir de ne pas souffrir comme lui. Sophie était loin d'être laide. Avec sa bonne grosse figure bien fraîche, son petit nez retroussé, elle était même assez mignonne. Seulement voilà, Sophie avait les cheveux plats. Et elle enviait les cheveux frisés de sa petite amie Camille. Un après-midi qu'il pleuvait très fort, Sophie s'ennuyait. Sa maman lui avait interdit de sortir et elle était là, sur le perron de la maison. Quand brusquement... Mais, si je me souviens bien, les cheveux de Camille frisent mieux quand ils sont mouillés. Si j'essayais de mouiller les miens... Oh, quelle bonne idée! Et d'un bond, Sophie se précipita sous la gouttière et reçut avec joie toute l'eau de pluie. Maintenant, je vais bien m'essuyer avec mon mouchoir et rebrousser mes cheveux pour les faire friser. Là, voilà, comme j'ai vu faire à Camille. Mais hélas, tout ce qu'elle arriva à faire fut de se hérisser les cheveux. Pauvre Sophie, elle était bien penaude quand sa maman l'a surprit. Sophie, comme d'habitude, tu as désobéi. Oh, quelle méchante mine tu as avec ta robe mouillée, tes cheveux en désordre. Eh bien, pour te punir, tu vas rester à dîner comme tu es, afin que ton papa et ton cousin Paul voient tes belles inventions. Mais, maman, je voulais seulement faire friser mes cheveux. À ce moment, le papa de Sophie, Monsieur de Réan, entra accompagné du petit Paul. Tous deux s'arrêtèrent stupéfaits devant la pauvre Sophie, honteuse et ridicule, et ils ne purent s'empêcher d'éclater de rire. Oh oui, riez bien d'elle. Mademoiselle est coquette. Elle n'a rien trouvé de mieux pour se friser les cheveux que d'aller se tremper sous la gouttière. Que tu es bête, ma petite Sophie. Quelle coquetterie ridicule. Tu veux te rendre jolie et te voilà affreuse. France Culture, les chemins de la philosophie. Quelle horreur d'entendre ces phrases-là, cette humiliation, qui est assez difficile à entendre, je dois dire. Alors là, vous avez entendu un extrait, donc une lecture des Malheurs de Sophie avec Micheline Prel dans le rôle de la narratrice. Et Rousseau, dans le texte qui a été lu avant par Georges Claise, disait « La pitié est douce parce qu'en se mettant à la place de celui qui souffre, on sent pourtant le plaisir de ne pas souffrir comme lui ». Est-ce que ce serait ça le secret du plaisir du lecteur, c'est qu'il est... dans la plupart des cas, moins malheureux que Sophie elle-même. Oui, eh bien écoutez, oui, je l'accorde. Ouais. Pourquoi pas, finalement, ce côté rousseauiste chez la comtesse de Ségur. Oui, la pitié, je vous suis là-dessus. Mm-hmm. Pas sur l'idée de l'enfant naturellement bon, mais sur la pitié, pourquoi pas, oui. L'enfant n'est pas naturellement bon chez la comtesse. Écoutez, il lutte pour être bon, sauf le véritable petit saint Blaise, dans pauvre Blaise, mais qui est un petit peu artificiel, me semble-t-il, et qui est d'une lecture plus difficile que Les Malheurs de Sophie. D'ailleurs, pauvre Blaise est beaucoup moins connu que Les Malheurs de Sophie. C'est ça, donc ce qui donnerait raison à Rousseau, en fait, c'est le personnage qui souffre le plus, qui a eu le plus de succès. Bien sûr, oui. Parce que dans tous les autres romans de la comtesse de Ségur, les personnages ne souffrent pas autant. Pas autant, non. Et Blaise, lui, est un petit saint, mais c'est quand même assez artificiel, me semble-t-il. C'est un roman de la fin de sa production, et c'est peut-être moins le premier jet violent et non pas enfin sincère, oui, de la comtesse de Ségur. Qu'en est-il de la dimension, disons, de morale chrétienne que l'on trouve dans le texte, qu'on a entendu dans l'extrait, puisque finalement on lui fait le reproche de vouloir être coquette et qu'elle en devient affreuse à vouloir être coquette? Il y a une sorte de code qui est transmis dans son éducation qui semble être celui de la morale chrétienne. Oui, c'est vrai. Et là, avec l'anecdote de la coquetterie de Sophie, on retrouve un peu la philosophie de la spiritualité de la comtesse Rostopchine, la mère. Hein. Ce côté janséniste, dur. Oui, je suis d'accord. La coquetterie, la gourmandise, ce sont des péchés, des fautes, des travers contre lesquels il faut lutter. Oui, c'est chrétien, alors. Oui, je le pense, oui. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le fait de ne pas être familier avec ces codes-là éloigne de la lecture, au contraire. Ah non, pas du tout, non, on apprend au contraire, hein. C'est très bien. La coquetterie, c'est vrai, condamnée, oui. D'ailleurs, dans le texte, on dit toujours « Sophie était vêtue d'une robe très simple, en percale blanche ». Ouais. C'est vrai, c'est la simplicité, hein, monacale. La véritable élégance, c'est la simplicité, pas la recherche artificielle. Et c'est un peu ce côté qui est condamné dans le chapitre. Elle a voulu quelque chose qui n'était pas d'une manière artificielle, c'est l'artifice. Voilà tout. Et son père lui dit « Vous étiez jolie, vous êtes laide maintenant ». Est-ce que vous voulez un fruit confit? Oh, bah écoutez, comment résister? Bah le voici. Sophie rentrait de la promenade avec son cousin Paul. Dans le vestibule attendait un homme qui semblait être un conducteur de diligence et qui tenait un paquet sous le bras. Madame de Réan arriva, paya le port du paquet et l'emporta au salon où la suivirent Sophie et Paul. Les deux enfants se regardaient d'un air malheureux. « Demande à maman de l'ouvrir. »« Je n'ose pas. Ma tante n'aime pas qu'on soit impatient et curieux. »« Demande-lui si elle veut que nous lui épargnions la peine d'ouvrir le paquet en l'ouvrant nous-mêmes. »« J'entends très bien ce que vous dites. Sophie, c'est très mal de faire la fausse, de faire semblant d'être obligeante et de vouloir m'épargner un ennui quand c'est tout bonnement par curiosité et par gourmandise que tu veux ouvrir ce paquet. Si tu m'avais dit franchement « Maman, j'ai envie de voir les fruits confits, permets-moi de défaire le paquet », je te l'aurais permis. » Maintenant, je te défends d'y toucher. Après le déjeuner, Madame de Réan appela les enfants. Nous allons enfin ouvrir le fameux paquet et goûter à nos fruits confits. Quand tout le monde en eut pris, la maman ferma la boîte, encore à moitié pleine, la porta dans sa chambre et la posa sur le haut d'une étagère. Demain, maman m'en donnera encore. Je n'aurai pas le temps de bien choisir. Si je pouvais les regarder d'avance, je remarquerai ce que je prendrai demain. Voilà Sophie bien contente de son idée qui court à la chambre de sa maman et regarde avec envie les beaux fruits confits. J'ai une bonne idée. Si je grignotais un tout petit morceau de chaque fruit, je saurais le goût qu'ils ont tous. Je saurais lequel est meilleur. Et personne ne verrait rien. Parce que j'en mordrais si peu que cela ne paraîtrait pas. C'est passionnant, Marie-Joséphine Strich, de voir comment, en lisant et en écoutant Ces Malheurs de Sophie, on en vient à se poser des questions, en fait, de manière complètement inattendue, parce que vous l'avez bien dit, non, la comtesse de Ségur n'est pas sadique au sens du marquis de Sade. En revanche, il y a quand même de la perversité. Là, je voudrais qu'on s'arrête sur ce terme-là, parce que dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il me semble que c'est la perversité de la mère qui prend sa fille au piège et qui lui révèle sa propre perversité. C'est elle qui sait très bien qu'elle va tenter Sophie, en lui disant « Ne touche pas à cette boîte, il faudra que tu les mérites ». Et donc Sophie qui y va se fait prendre à son propre piège. Les parents ne n'y sont pas pour rien dans l'histoire, non, quand même. C'est vrai. La mère, Madame de Réan, est parfois très cruelle et dure avec la petite Sophie. On pourrait peut-être, selon certains, y retrouver des traits de la dureté de vue de la comtesse Catherine Rostopchine. C'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, Madame de Réan étant difficile et dure, eh bien, elle va disparaître. noyée, hein. Je crois que c'est oui, elle meurt. Une manière romanesque de la faire disparaître. La comtesse Ségur préférant Madame de Fleurville ou Madame de Rosbourg, qui sont la douceur même et qui ne fouettent pas, qu'il n'y a, jamais aucune perversité. Hein. Mais vous avez raison de le souligner. C'est un peu un piège tendu, un test. Ah oui. Ah oui, vous avez raison. Et je crois que à la suite de ce passage qui a été lu, d'ailleurs fort bien lu, eh bien la petite Sophie, c'est beau hein, la qualité. Ouais. Eh bien la petite Sophie a laissé le fauteuil près de l'armoire où étaient rangés les fruits confits. Et là, elle est trahie par le fauteuil qu'elle a laissé. Et la mère, hein, si ma mémoire ne me trompe pas, dit « les rats n'utilisent pas de oui, fauteuil ». Oui, c'est ça. Oui. Donc on peut imaginer une mère. Qui a voulu, piéger. C'est pas beau, mais ça peut exister. Ce qui veut bien dire que chez la comtesse Ségur, non seulement l'enfant n'est pas naturellement bon, mais les parents non plus. Enfin, dans assez lutté pour la être bonté, bon. Peut-être du côté de l'éducation d'ailleurs, ce qui serait Rousseauï dans un certain sens, parce que pour Rousseau, il faut pas lire de livres avant l'âge de 12 ans. Il y a quelque chose d'assez la lecture peut corrompre, dit-il. Chez la comtesse Ségur, au contraire, le présupposé, c'est plus on la lit, mieux on s'éduquera et meilleur on deviendra. Voilà, vous avez tout compris. C'est mais vous y croyez ça? Ça rend meilleur lire la comtesse Ségur? Oui. Ah oui, c'est votre cas. Oui. C'est-à-dire? Comment vous le savez? Écoutez, on assiste à des scènes authentiques, nettes, dans une langue merveilleuse. Vous avez entendu cette diction parfaite, enfin la diction qui reprenait un texte élégant, simple, clair. Je crois que... C'est la langue qui éduque plus que ce qui est raconté? Non, les deux. Mais là, une parfaite langue est au service d'un message... peut-être pas dans les fruits confits, mais d'un message quand même de bonté. Vous allez me dire, oui, mais c'est vrai, la coquetterie... Je persiste à penser, vous me mettez dans une situation délicate, je persiste à penser que toutes ces mésaventures de Sophie ont quand même pour but réel de montrer, ou comme contre-exemple, le bon chemin que les enfants devraient prendre. Mais vous avez raison de souligner l'attitude ambiguë de Madame de Réan. Vous avez dit, oui, elle va disparaître et elle va mourir. Oui. Précisons que Les Malheurs de Sophie ont été écrites après Les Petites Filles Modèles, qui paraissent en 1858. Les Malheurs de Sophie seraient ce qu'on appelle aujourd'hui un prequel, en fait, aux Petites Filles Modèles. C'est le tome 1 paraît après le tome 2. Oui. Alors maintenant, c'est une sorte de trilogie. On commence par Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et Les Vacances. Et on va suivre les héros dans les trois volumes. Et en cela, la comtesse de Ségur a appliqué le principe génial de Balzac. Alors maintenant, on dit, oh, mais non, c'est tout à fait normal. Balzac était le premier à faire revenir des contemporains de la comtesse de Ségur, je le redis. Oui. Ouais. Il était le premier à faire revenir dans sa Comédie humaine des personnages. Le principe du feuilleton. Voilà. Alors on dit, c'est pas génial. Si, à l'époque, c'est génial, c'est tout à fait nouveau. Eh bien, la comtesse de Ségur pratique ce côté génial dans cette trilogie. Alors on va faire un petit détour avant de revenir au Malheur de Sophie par un autre texte. Il s'agit du général Dourakine et écoutez ce que René Girard disait du général Dourakine après ce court extrait. En sortant, le général Dourakine trouva les 8 petits Papovski rangés contre le mur près de la porte. Il n'osait entrer de peur d'être battu. Le bon cœur du général se révolta. Ma nièce, j'ai amené les enfants dans leur chambre. Et je ferme la porte de communication pour que vous ne puissiez entrer chez eux qu'en passant par le corridor. Non, mon oncle. Laissez cette porte ouverte. Il faut que j'aille les corriger quand j'entends du bruit. Ce sera comme je dis. Et si pendant votre séjour, j'apprends que vous avez maltraité vos enfants, je vous en témoignerai mon mécontentement. Dans mon testament. La rage au cœur, Madame Papovski pensa à l'immense fortune de son oncle et crut plus habile de ne pas insister. Hélas, les petits Papovski n'étaient pas meilleurs que leur mère. Ils s'emparèrent un jour de Paul et l'obligèrent à marcher à quatre pattes. Grimper à plusieurs sur son dos, ils lui donnaient du fouet comme à un cheval. Madame d'Erigny, enfin alertée par ses cris, l'arracha des mains de ses démons. Mais ceux-ci se plaignirent à Maria Petrovna en lui demandant de les faire fouetter tous les deux. Le plus grand livre de la comtesse de Ségur, c'est certainement le général Dourakine. Oui. Parce que c'est son enfance, puis il y a tout un mystère, puis il y a la peur de la Russie, il y a le goulag déjà qui menace. Dmitri, mon pauvre mari, tué à Sébastopol. J'ai toujours su ces phrases par cœur. Et Le général Dworkin, pour moi, c'est un livre fétiche que je relis, mais peut-être tous les 3 mois, n'est-ce pas? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, bon, on voit dans La Comtesse de Ségur un auteur carrément sadique avec les verges qu'on donne aux enfants sans arrêt. Alors, écoutez, ce cliché du sadisme de La Comtesse de Ségur m'irrite au possible. Avant d'acheter des livres sur La Comtesse de Ségur, je regarde pour voir si ce cliché-là, elle a été élevée, n'est-ce pas, dans une famille très difficile. Sa mère était très difficile. Sa mère était une convertie au catholicisme dans un univers où, malgré tout, il y avait un certain danger à faire ceci. Donc, elle est à la fois très influencée par sa mère, mais sa mère utilisait des châtiments corporels. Alors, elle reste un peu hantée par ceci. Mais est-ce que c'est du sadisme ou du masochisme? Alors là, j'ai l'impression qu'on est un peu, si vous voulez, dans l'affabulation moderne, la vulgate psychanalytique moderne. C'est René Girard qui le dit au micro de Michel Pollack en 1999. La Comtesse de Ségur n'est pas sadique, c'est une affabulation moderne que de le dire, et je vois que ça vous fait sourire, Marie. Oui, je suis ravie d'entendre cela, avec l'autorité de cette personne. C'est magnifique. Le penseur quand même de la violence et du sacrifice, oui. Hein, justement. Oui. Ah non, ça m'a fait vraiment une grande joie d'entendre ces propos. Et c'est vrai que Le Général Dworkin est un grand roman, oui, qui est plaît peut-être plus aux petits garçons. Alors vous allez me dire, oh mais quand même c'est complètement dépassé, mais quand même on doit le reconnaître, hein. Le général Dworkin, général, c'est très martial, est apprécié des jeunes garçons. Alors Dworkin, il est intéressant de savoir qu'en russe, le mot de Dworkin veut dire idiot. Hein. Donc donner ce prénom, ce nom à un modèle de général, c'est quand même la preuve d'une certaine insolence de la comtesse de Ségur. Elle est quand même impertinente, hein. Elle s'amuse de tout. Et ce côté-là aussi est plaisant, très très plaisant. Alors, Madame Popovska, évidemment, c'est un cas extraordinaire. Elle est méchante, elle fouette à tour de bras, le fouet frétille avec elle. Mais elle va être châtiée d'une manière exemplaire, puisque elle va subir, je le rappelle rapidement, hein, une séance de fouet épouvantable dans une mise en scène terrible. Le sol va se dérober sous elle, le parquet se refermera et en dessous, une ou deux personnes sont là pour la fouetter, vraiment jusqu'au sang. Et la comtesse de Ségur écrit « Elle se sentit fouettée ». Et Jacques Laurent me rappelait la parole de Cocteau qui disait « Quand on entend cette phrase, elle se sentit fouettée, on ne sait plus si c'est actif ou passif. » Donc, elle se sentit fouettée, ER ou EE. Mmh. Voilà. Donc, c'est une grande scène qui était très bien, qui était fort juste de retenir dans cet échantillon de texte. Madame Popovska est une mauvaise mère, hein. Le général Dworkin, qui pourtant, lui aussi, est vif. Oui, mais lui, il s'oppose au mauvais traitement. Oui, justement, pas. Mais lui, pourtant, le Knout frétille facilement avec lui. Eh bien là, il s'y oppose. Madame Popovska est une horreur. Et vous remarquerez que, quand même, les modèles féminins ne sont pas très doux, hein. Oui, mais surtout, sa mauvaise éducation a déjà fait son effet, parce que les enfants vont faire eux aussi l'usage du fouet. Voilà, les petits Popovskis. Voilà, les Popovskis vont eux aussi avoir le fouet facile et habile, comme s'il y avait ici une reproduction contre laquelle on ne pouvait pas grand-chose. C'est dramatique. Dramatique, l'exemple, bien sûr. Les enfants fouettés vont fouetter à leur tour, hein. Et c'était très intéressant ce que disait Monsieur Girard en disant que la comtesse Rostopchine était convertie au catholicisme au moment même où son mari prêchait une politique anti-française. Donc ça a été un très grand choc, hein. Et cette conversion au catholicisme explique le mariage de Sophie Rostopchine avec un catholique, puisque elle-même a été convertie douloureusement par sa mère à l'âge de 12 ans. Mmh. Sinon, comment expliquer qu'une orthodoxe ait pu épouser un catholique français? Encore un détail très romanesque. Vous avez travaillé sur la comtesse de Ségur et vous avez établi des liens avec le travail de Lewis Carroll. Oui. Et vous montrez que Lewis Carroll, finalement, si on dit que la comtesse de Ségur est sadique, alors lui, il est encore pire, c'est ça? Alors, c'est-à-dire qu'il est vraiment masochiste, hein. Alors, il est tentant d'en faire un tandem. Donc, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, oui, notamment. Alice au Pays des Merveilles, 1865, publication en 1865. La littérature comparée s'intéresse à mettre en convergence des mouvements. Et la littérature d'enfance apparaît au milieu du 19e siècle. Auparavant, il y avait des contes qui étaient à la fois pour les adultes et les enfants. Mais le public spécifique des enfants est reconnue et valorisée et honorée au XIXe siècle. Mmh. Et il faut saluer, souligner le rôle de l'impératrice Eugénie avec son petit garçon, le prince Loulou, comme on l'appelait familièrement, qui, bien sûr, va le faire photographier dans toutes les tenues, alors en gardien de chèvre, en petit ramoneur. Et toutes les mères de famille vont se dire « Tiens, mais moi aussi j'ai un enfant, on va s'intéresser à l'enfant, on va créer des vêtements spécifiques pour les enfants. » Jusqu'alors, les enfants étaient considérés comme des adultes miniatures. Il n'y a qu'à voir les tableaux. Les petites filles portent des robes à paniers et ce sont des adultes miniatures. Mais à partir de la mi-19e siècle, alors là, c'est vraiment la grande course pour vêtir l'enfant, lui fournir des jouets et une littérature spécifique. D'où la naissance de cette littérature d'enfance représentée par la comtesse de Ségur et à l'époque aussi par de nombreux écrivains, mais qui sont tombés dans l'oubli. C'est dire quand même que la comtesse de Ségur a un ton, un style littéraire qui passe les âges. C'est donc une des premières fois où les enfants sont les personnages principaux d'un roman. Et public. Et qui s'adresse aux enfants, mais surtout ils sont les personnages principaux, enfin oui, les deux. Oui, les deux. C'est très important, cette naissance de la littérature d'enfance. Et la Bibliothèque Rose, maintenant, quand on dit Bibliothèque Rose, on pense immédiatement à l'enfance. Alors, des années plus tard, on a fait un distinguo Bibliothèque Rose, Bibliothèque Verte, oui. Mais à l'époque de Louis Hachette, le rose était dévolu à l'enfance en général, aux enfants, sans distinction d'âge. C'est intéressant de voir Bibliothèque Rose, immédiatement, on a des souvenirs. On va retrouver la petite Sophie dans un nouvel épisode. Alors cette fois-ci, Sophie joue à la ménagère et elle est en train de mime une préparation de repas. Et elle cherche quelque chose sur quoi mettre du sel. Son attention va se tourner vers les poissons de Madame de Réan qui vont connaître un triste sort. Madame de Réan aimait beaucoup ces petits poissons, qui vivaient dans une cuvette pleine d'eau, au fond de laquelle il y avait du sable pour qu'ils puissent s'y enfoncer et s'y cacher. Tous les matins, Madame de Réan portait du pain à ces petits poissons. Sophie s'amusait à les regarder pendant qu'ils se jetaient sur les miettes de pain et qu'ils se disputaient pour les avoir. Un jour, son papa lui donna un joli petit couteau en écaille. Sophie, enchantée de son couteau, s'en servait pour couper son pain, ses pommes, des biscuits, des fleurs, etc. Un matin, Sophie jouait avec son ménage. Sa bonne lui avait donné du pain qu'elle avait coupé en tout petits morceaux, des amandes qu'elle coupait en tranches et des feuilles de salade. Sophie prit le sel, en mit sur sa salade. Il lui en restait beaucoup. « Si j'avais quelque chose à saler, se dit-elle, je ne peux pas saler du pain, il me faudrait de la viande ou du poisson. Oh, la bonne idée, je vais saler les petits poissons de maman. J'en couperai quelques-uns en tranches avec mon couteau, je salerai les autres tout entier, que ce sera amusant, quelle jolie place ça fera. » Et voilà Sophie qui ne réfléchit pas que sa maman n'aura plus ces jolis poissons qu'elle aime tant, que ses pauvres petits souffriront beaucoup d'être salés vivants ou d'être coupés en tranches. Sophie court dans le petit salon où étaient les petits poissons, elle s'approche de la cuvette, les pêche tous, les met dans une assiette de son ménage, retourne à sa petite table, prend quelques-uns de ses pauvres poissons et les étend sur un plat. Mais les poissons, qui ne se sentaient pas à l'aise hors de l'eau, remuaient et sautaient tant qu'ils pouvaient. Pour les faire tenir tranquilles, Sophie leur verse du sel sur le dos, sur la tête, sur la queue. En effet, ils restent immobiles. Les pauvres petits étaient morts. Quand son assiette fut pleine, elle en prit d'autres et se mit à les couper en tranches. Au premier coup de couteau, les malheureux poissons se tordaient en désespérés, mais ils devenaient bientôt immobiles parce qu'ils mouraient. Après le second poisson, Sophie s'aperçut qu'elle les tuait en les coupant en morceaux. Elle regarda avec inquiétude les poissons salés. Ne les voyant pas remuer, elle les examina attentivement et vit qu'ils étaient tous morts. Sophie devint rouge comme une cerise. « Que va dire maman ?» se dit-elle. « Que vais-je devenir, moi, pauvre malheureuse ?» On ne connaît point l'enfance. Sur les fausses idées qu'on en a, plus on va, plus on s'égare. Les plus sages s'attachent à ce qu'il importe aux hommes de savoir, sans considérer que les enfants sont en état d'apprendre. Ils cherchent toujours l'homme dans l'enfant, sans penser à ce qu'il est avant que d'être homme. Voilà l'étude à laquelle je me suis le plus appliquée, afin que, quand toute ma méthode serait chimérique et fausse, on pût toujours profiter de mes observations. Je puis avoir très mal vu ce qu'il faut faire, mais je crois avoir bien vu le sujet sur lequel on doit opérer. Commencez donc par mieux étudier vos élèves, car très assurément, vous ne les connaissiez point. Or, si vous lisez ce livre dans cette vue, je ne le crois pas sans utilité pour vous. France Culture, Les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. On ne connaît point l'enfant, c'est Rousseau, encore lui, qui le dit, Marie-Joséphine Striche. Et comme il va dans le sens de ce que vous racontiez avant, l'enfant n'existait pas en littérature. Il cherche toujours l'homme dans l'enfant sans penser à ce qu'il est avant que d'être homme. C'est sans doute le sens de ce personnage de Sophie, qui est une véritable enfant, qui n'est pas encore devenue une femme, ni une mère. Est-ce pour cela qu'elle est naïve? Parce que l'épisode des poissons est quand même surprenant. Elle tue des poissons sans s'en rendre compte. Or, elle a 4 ans, je crois, dans le texte. Oui, 4 ans. On a une petite idée quand même à 4 ans, de ce que c'est que la mort. Et on se rend compte qu'on tue des poissons, non? Vous croyez pas? Oui, c'est étonnant. Mais alors, elle a un argument implacable qui, moi, me sidérait d'esprit de reparti. Elle dit, mais je ne croyais pas qu'il ait souffert, puisqu'il ne criait pas. Oh, j'étais sidérée par cet esprit de réponse à sa mère. Alors, est-ce qu'elle a, dans un mimétisme terrible et fatal pour les poissons, opéré de la même manière qu'elle le voyait faire dans les cuisines? C'est possible, hein, là encore, valeur de l'exemple. Mais elle n'a pas réfléchi. Alors, c'est ce que condamne la comtesse de Ségur. Hein. Elle n'a pas réfléchi avant. Bon. C'est un chapitre déplaisant, c'est vrai. Cruel, là, vraiment cruel. Le sang a coulé. Le sang a coulé, c'est une petite ménagère appliquée. Et malheureusement, elle a mal fait. Mais c'est là où on se demande si c'est pas l'adulte derrière Sophie qui parle, parce que, encore une fois, c'est pas le geste qui peut surprendre. Le geste est cruel, certes, mais c'est la découverte de Sophie. C'est comme si elle-même ne savait pas qu'elle allait tuer. On peut tuer sans s'en rendre compte un animal à cet âge-là, mais on se rend bien compte qu'il est mort ensuite. Oui, mais elle ne les a pas scellés pour les tuer. Non, bien sûr. Pour les cuisiner. Mais je suis bien d'accord qu'ici, il ne s'agit pas de sadisme. Je m'étonne de sa naïveté, qui me semble être le produit plutôt de l'imagination de la narratrice devenue adulte que de la réalisme d'une petite fille. C'est possible. Ouais. C'est un chapitre un peu déplaisant, c'est vrai. Peut-être parce qu'il tape juste. C'est possible. Mais il est vrai que les animaux, avec Sophie, oui, subissent des destins terribles. Pas beaucoup de chance d'échapper. Que ce soit la tortue qui meurt noyée, les hérissons, les oiseaux, les chats, enfin, c'est l'écureuil. C'est une véritable hécatombe. Quels sont les chapitres dans Les Malheurs de Sophie qui vous paraissent plus plaisants, justement, où il y a moins de cruauté? Oserais-je dire la poupée? Non, parce que la poupée va souffrir, terriblement. Les loups, c'est terrible aussi. Les loups, intéressant chapitre. Racontez-nous. Oui, Sophie se promène avec sa mère dans la forêt qui est prétendument normande, mais elle voit des fraises, elle s'attarde, et finalement elle va échapper au loup d'une manière très très fortuite et de justesse. Et alors c'est intéressant de voir que cette scène qui est censée se passer en Normandie soudain repart en Russie, puisque il est cité le nom d'une ferme, la ferme de Svetin. Svetin sonne plutôt russe que normand, mais c'est intéressant de voir que la Russie pétrit toujours ses textes. René Girard a raison de dire que, c'est un peu prétentieux de ma part, enfin, de dire que le général Dourakine est baigné de Russie, c'est vrai. Et là, dans Les Malheurs de Sophie, qui sont censés se passer en France, dans une Normandie peut-être romanesque, eh bien, au chapitre 6, les loups, il y a cette petite montée de la Russie sous le nom de Svetin. Mais tous les chapitres... Mais racontez-nous l'histoire quand même, sur les loups. Mais oui, on a envie de savoir ce qui se passe. Elle s'attarde pour manger des fraises des bois, bien sûr, de tout le... Sa mère lui dit, ne mange pas les fraises des bois. Il faut se dépêcher, il faut me suivre, dépêchons-nous. Elle s'attarde et elle sera sauvée finalement par un chien. Non, mais elle s'attarde et elle mange. Elle mange. Oui, c'est ça. Elle mange des. La mère ne l'attend pas. Non. Non. Suivez-moi. Oui, la mère a un rôle très dur. Marche ou crève. Oui. Donc Sophie mange les fraises et on se demande si les loups sont en train d'arriver. Voilà. Et elle échappe de peu. Les loups ont quasiment attrapé sa jupe, sa robe. Oui. Mais vous voyez que la mère, là encore, a un rôle très dur. Ah bah oui. Et René Girard le disait, la comtesse Rostopchine était. avait un zèle de converti et donc un peu inquiétant parfois. Et donc, je vous posais la question de savoir quels épisodes étaient plus plaisants et vous avez parlé de celui des loups qui est absolument horrible. Et sauvez-la. Oui, mon Dieu, c'est vrai. Il y a toujours une catastrophe, il est vrai. La poupée, c'est très joli parce que il y a la grâce de l'enfant qui joue avec la poupée, mais la poupée de cire, elle va fondre, elle va devenir aveugle. Enfin bon, c'est dramatique, mon Dieu. Citez-moi des titres des chapitres. Vous voulez que je vous dise le sommaire, c'est ça? Mais en fait, je crois qu'ils le sont tous. Alors le thé, peut-être, c'est peut-être ce qu'il y a de moins grave à la limite. Le thé, c'est ce qu'il y a de moins grave. Oui. Les sourcils, bon, c'est encore la coquetterie. Les sourcils. Donc Sophie qui veut s'épiler les sourcils, oui, et qui va tellement loin qu'il ne reste plus rien. Et donc, elle se retrouve défigurée. Et Sophie Rostopchine était très belle, hein, très, très jolie. Elle est arrivée à Paris, elle avait 17 ans. Un tableau de Kiprensky, un pastel de Kiprensky, conservé au musée Carnavalet à Paris, la représente à l'âge de 24 ans. Une réelle beauté, hein, avec, en plus de son charme physique, du visage, intelligent et rieur, elle a le charme de l'intelligence, qui est le charme le plus dangereux. Et elle est magnifique. Alors quand on dit que c'était une grand-mère ringarde, complètement confite dans des préjugés, je m'insurge. Elle a été une jeune femme vive, intelligente, une grand-mère aimante. Et malgré cette violence que l'on voit dans ces chapitres, elle est réellement bonne, je le pense réellement. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les personnages évoluent à mesure que les volumes avancent et que dans Les Vacances, donc le troisième volume, il y a une sorte de pardon au fond que Sophie adresse à Madame Ficchini. Finalement, la porte de la chambre de Madame Ficchini s'ouvrit, le texte commence ainsi, et Madame Ficchini lui dit « Mais ta mère, pauvre Sophie, je ne suis pas ta mère. Quelle mère, grand Dieu, depuis que j'ai fait mon malheur par cet abominable mariage, depuis surtout que j'ai un enfant, j'ai compris toute l'horreur de ma conduite envers toi. Dieu m'a puni, il a bien fait, je suis bien coupable, mais aussi bien repentante. » Et ce qu'elle ajoute en redoublant de sanglots et en se jetant au cou de Sophie, « Pardonne-moi, ma Sophie, pardonne-moi. » Et Sophie lui répond « De tout mon cœur, du fond de mon cœur, ma pauvre mère, je vous pardonne, ne vous désolez pas ainsi. Vous m'avez rendue heureuse en me donnant à Madame de Fleurville, qui est pour moi comme une vraie mère. J'ai été heureuse, bien heureuse, et c'est à vous que je le dois. » Magnifique. Ce pardon est incroyable. Ah, pardon de la belle-fille envers la belle-mère qui lui a pourri la vie. Qui a été atroce, hein, oui. Oui, oui. Mais même Madame Ficchini se repent. Je trouve que c'est une belle scène qui est souvent occultée. D'ailleurs, je vous remercie de l'avoir citée parce qu'elle est très importante. C'est une sorte de rédemption de la marâtre et de Sophie. Voilà, et pour y arriver, il faut lire donc les trois volumes, Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et donc Les Vacances. Désormais, vous avez toutes les clés pour vous plonger dans ces textes si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous remercie beaucoup, Marie-Joséphine Strich, d'être venue en parler ce matin. Oh, beaucoup de c'est un plaisir, hein, c'est déjà fini. C'est déjà fini, voilà. Et comme on a parlé des poissons et des petits poissons de Sophie, eh bien, on va se quitter avec les petits poissons, ou plutôt la maman des poissons, c'est Bobby Lapointe. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elle reste muette. La maman des poissons, elle est bien gentille, elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardines. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille, s'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux ouïes, leur montre en commençant s'ennui, on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. Sur France Culture, les chemins de la philosophie de la comtesse de Ségur à Bobby Lapointe jusqu'à Aurélien Bélanger. Il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger tout de suite. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, votre question, une question, est-ce que nous vivons dans une télé-réalité ? Alors si nous vivons en démocratie représentative, alors de la qualité de ce qui nous représente dépend la qualité de notre démocratie. Cela vaut, je crois, autant pour l'art que pour le Parlement. Sommes-nous bien représentés dans le système des arts ? Je me suis posé la question à propos d'un art que j'ai justement abandonné ces 10 dernières années, car je ne lui trouvais plus rien de représentatif, je n'y reconnaissais plus rien, comme dans un cauchemar maniériste. Je veux parler des séries télé, un art dont j'aurais connu les balbutiements primitifs dans les années 90, celle de Beverly Hills et d'Alerte à Malibu, un art dont j'aurais connu le classicisme dans les années 2000 et le déclin inévitable dans les années 2010, quand tout cela s'est mis à ressembler de plus en plus à du soap, trop de saisons, trop de personnages, trop de rebondissements. Et oui, tout cela s'était mis à ressembler au feu de l'amour. La boucle était bouclée et l'art des séries résorbé dans ce grand kitsch primitif. C'est peut-être vrai, mais c'est un peu radical, Aurélien. Vous trouvez vraiment rien à sauver dans les séries aujourd'hui? On s'arrête au feu de l'amour. Alors, c'est toute la question. Il y a 20 ans, les séries américaines témoignaient d'une belle prétention à l'exhaustivité. Il y avait la mort pour Six Feet Under, la famille pour les Sopranos, le mal pour The Wire. L'impression que cela donnait, c'était que l'Amérique était au complet, que toute la famille était rassemblée, qu'il ne manquait aucun affect. C'était l'âge d'or des séries. Avec le recul, c'était peut-être même les séries de l'âge d'or. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que le charme se rompe ainsi? Alors, ce charme, c'est celui de la représentation. Le nom moderne, si l'on veut, de la catharsis aristotélicienne, la mise en scène purificatrice de nos passions. Et c'est cela, je me disais, justement, en regardant distraitement sur l'une des séries du moment, que c'était, je crois, c'était Six Us ou Succession, c'était très soigné, très dense, très subtil, mais en même temps, c'était devenu un spectacle un peu platement élitiste. C'était, au fond, du soap pour CSP+. Il me manquait, pour le dire autrement, une représentation fidèle de cette Amérique que je ne connais pas, mais dont l'existence hante l'histoire contemporaine, cette Amérique qui vote Donald Trump. Et c'est là que j'ai compris. Un coup d'État s'était produit, sans qu'on l'ait spécialement remarqué, un coup d'État contre la démocratie représentative, celle si modérée, si distanciée, si équilibrée des séries de l'âge d'or. Un coup d'État visant à abolir cette démocratie représentative pour mettre à la place une démocratie directe, celle de la télé. Réalité, plus d'acteurs, mais des anonymes, plus de représentants, mais des citoyens presque tirés au sort, plus de la catharsis distante, mais la catharsis elle-même envisagée comme système politique, l'invasion de la scène par le peuple jusque-là représenté. Donc c'est nous qui sommes entrés dans l'ère de la télé-réalité. L'Amérique a en tout cas élu, il y a 4 ans, un acteur de télé-réalité président, car Trump, ce n'est même pas un homme d'affaires pour de vrai, comme l'a cruellement révélé le New York Times en publiant ses feuilles d'impôt la semaine dernière, et en découvrant que The Apprentice, son émission de télé-réalité, était la seule bonne affaire qu'il avait fait ces 20 dernières années. Le New York Times écrit en fin de compte, Trump a gagné plus d'argent en jouant au businessman que comme businessman. La seule bonne affaire qu'il ait conclue, évidemment, avant cette autre bonne affaire qu'est son élection de 2016. Son élection de 2016 et notre transformation en personnage de la télé-réalité de sa présidence. L'Amérique qui vote Trump n'en a pas grand chose à faire d'être aussi mal représentée par l'art officiel des séries. Elle a réussi à faire du réel lui-même son propre divertissement. Donc à votre question, est-ce que nous vivons dans une télé-réalité? La réponse est, en fait, c'est le réel lui-même qui est devenu un spectacle. Oui, sauf que la télé-réalité n'est plus déjà un type de spectacle, elle est un genre de révolution. Merci beaucoup Aurélien Berlanger, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, sans qui je ne serais pas grand-chose tous les matins à ce micro. Aujourd'hui, c'est Avril Poignant-Legoff qui m'a aidé à préparer cette émission en compagnie de Manon Delasselle, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. À la réalisation, c'était Nicolas Berger et Esther Valensic. À la prise de son, Olivier Arnay. À la lecture des textes, Georges Claes et on peut la citer Micheline Prel, puisqu'elle a vraiment accompagné cette émission. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour des classiques de notre enfance, après la Comtesse de Ségur ce matin. Demain, nous parlerons du petit Nicolas. On sera dans la peau du petit Nicolas en compagnie de Nicolas Télope. le bien nommé Nicolas Télop, pas si petit, vous verrez. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne ou bien vous pouvez vous abonner au téléchargement, au podcast pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, avec vos enfants, pourquoi pas, surtout cette semaine. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.